je m'ennuie, car je n'ai envie de rien. Et la nuit, je voyage bien loin, je dors dans ses bras, je la serre tout contre moi, et je suis bien. Je sens son cœur qui bat, et j'en serre ses doigts là dans mes mains. Mais je l'ennuie, car je n'ai envie de rien. Et la nuit, elle s'endort bien loin. Elle en serre un autre. Elle me dit que c'est ma faute. Elle dort bien. Que puis-je faire d'autre? Cet amour est un autre. Reste humain. Je m'ennuie, quand je n'ai envie de rien, je reste assis au piano jusqu'au matin, j'écris des chansons qui me répètent son nom, mais c'est bien vain.